On va parler de la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo de montagne, de traversée hivernale qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Et on a fait une entrevue avec. On va faire une entrevue avec celui qui a remporté la victoire dans sa catégorie. Vous le connaissez bien, c'est Victor Véro. Salut Victor. Salut. Victor, comment t'as trouvé ça? T'as remporté la victoire, écoute. T'en as fait beaucoup, beaucoup de courses. On me dit, ben, t'as pas fait la traversée du lac Saint-Jean, là, mais on me dit que c'est aussi dur que faire la traversée. Je me rappelle plus quel athlète j'avais fait une entrevue, mais lui avait fait les deux. Puis il dit que c'est aussi dur l'hiver que l'été. Quel été, ouais. Moi, c'est sûr, j'ai pas eu la chance de faire l'été. Je suis pas un très bon nageur. Je l'ai fait l'hiver, puis l'hiver, je peux vous dire que c'est pas facile. Là. Ça dépend des conditions peuvent tellement être différentes de ce qu'on voit, mettons, sur la berge, là, c'est les bords, puis c'est la terre ferme, que on part du bord, puis on sait jamais ce qu'il va y avoir au milieu. Il faut être préparé à tout. Je pense encore cette année, on a eu des conditions assez difficiles. Côté terrain, c'était quand même correct. On était au moins capable d'avancer sur notre vélo, mais il y avait quand même un bon vent, la visibilité était totalement nulle. On voyait à peine là, 100 mètres C'est le devant. vent le plus dur, hein, parce que ce qu'on dit, c'est que ça transgresse le corps, c'est tout ça? Oui, exactement. Puis tu sais, quand on est sur le lac, s'il se met à vanter, on peut pas se cacher en arrière d'un arbre, on peut pas se cacher nulle part, là, tu sais. On est tout seul, puis faut juste continuer d'avancer puisqu'on n'a pas le choix, là, ouais. Ok. C'est-tu plus dur qu'une course? Ben, t'es habitué, tu fais ça comme les yeux fermés, mais c'est-tu plus dur qu'une course de vélo de montagne traditionnelle, là? Mettons pour un gars qui est. Tu sais, toi, t'es un athlète, mais quelqu'un qui fait un peu les deux sports, mais qui fait pas nécessairement de compétition, mais qui veut y aller pour simplement pour le fun, pour l'essayer, c'est-tu plus dur? Ou c'est Ben, dur? c'est sûr que c'est différent un peu parce que, tu sais, là, moi, quand je fais des courses l'été, il fait 20-15 degrés environ. Fait que j'ai pas le facteur de la température à combattre. Fait que j'ai juste un effort physique à donner très intense, mais j'ai pas besoin de combattre les éléments, mettons, qui sont contre moi. Tandis que faire une course de, mettons, entre 2 h 30 puis 5 h dans le moins 25, ben là, ça commence à être d'autres choses parce que t'as chaud, ton manteau vient mouillé. Le vent, là, il vente de plus en plus, il fait froid. Fait que c'est dur de réussir à garder le corps au sec dans des conditions de même, puis surtout de pas geler. C'est ça qui est difficile, là, t'sais. De s'alimenter, c'est plus difficile à cause qu'on peut pas. On peut pas lâcher le volant. Là, t'sais. Si on lâche le volant pour prendre notre gourde, ben on peut tomber sur le côté. Là. Fait que t'sais, c'est ça qui est plus difficile. Je pense que c'est plus l'alimentation puis de combattre l'élément. Mais c'est sûr que l'effort en tant que tel est sensiblement le même. Là. Ok, t'as-tu pensé m'amener à arrêter? Non. Non, cette année, hein, ça a sensiblement bien été. Il y a d'autres années que j'avais justement arrêté, mais cette année, là, je pense que j'ai Ok. eu quand même une bonne année, là, ouais. Ok. Puis est-ce que ça va t'apporter quelque chose sur cette compétition-là? Ça t'apporte plus d'endurance encore pour pour vraiment ta vraie saison? Ben, c'est sûr que c'est une bonne préparation pour moi. C'est comme, tu sais, c'est dans le. Ça, je m'en ai servi un peu comme un entraînement en même temps, là. Ouais. C'est une de mes premières intensités de l'année que je fais, là, en course, là, tu sais. Ouais. Vraiment dans une course sanctionnée. Fait que c'est sûr que c'est une bonne préparation pour moi quand même là, pour la saison qui débute là, ben, dans moins de 2 semaines. Ok, donc là tu t'en vas, j'imagine, tu pars où là? Là, je me départ pour l'Europe dans le coin de l'Italie Ok. pour des coupes d'Italie puis d'aller faire des courses dans ce coin-là. Ok, bon, ben c'est bon ça. Ben Victor, tu étais la meilleure des chances, bravo, belle victoire en fin de semaine encore une fois. Il y avait 23 compétiteurs, hein, c'était. T'as-tu gagné facilement ou ça a été assez serré dans l'ensemble? Ouais, on était 23 compétiteurs. Je pense qu'il y avait quand même un bon niveau. Il y avait quelques bons coureurs que je connaissais là, du lac Saint-Jean. Puis j'ai réussi à prendre en avance là, en début de course. Dans des conditions pareilles, tu sais, une pression de pneus différente peut faire toute la différence. Fait que je pense que j'avais une pression un peu plus molle, peut-être plus adéquate avec des bons pneus. Puis j'ai réussi à créer un écart là, quand même assez en début de course. Puis ça a quand même bien été, là, Y a-t-il mais. des ajustements à faire comparativement à une course d'été? Oui, sûrement. Ben, c'est pas le même volant non Oui. plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, le vélo est pas le même du tout. Puis, ben, tu sais, comme moi, en pleine course, durant ma course là, ce week-end, ben, j'ai dû arrêter à 2 reprises pour enlever de l'air dans mes pneus. Ok. Fait que, tu sais, mettons, j'étais deuxième à ce moment-là, puis le premier, ben, il a continué à prendre de l'avance. Mais j'ai dit, pour moi, c'était plus avantageux d'enlever de l'air présentement, puis de moins travailler sur les 25 prochains kilomètres à la place, puis d'être plus efficace dans la neige que d'essayer de pas arrêter, mais de forcer plus. Ok. Puis, ben, je pense que ça a porté fruit, là. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances en Italie. On va s'en reparler certainement au courant de la saison à quelques reprises. Bon, ben merci beaucoup. Le cycliste de Saint-Félicien, Victor.